Jean chapitre 2. Or, trois jours après, on faisait des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi convié aux noces, avec ses disciples. Et le vin étant venu à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont point de vin. » Mais Jésus lui répondit, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, femme ? Mon heure n'est point encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or il y avait là six vaisseaux de pierre, mis selon l'usage de la purification des Juifs, dont chacun tenait deux ou trois mesures. Et Jésus leur dit, « Emplissez d'eau ces vaisseaux. » Et ils les emplirent jusqu'au haut. Puis il leur dit, « Versez-en maintenant, et portez-en au maître d'autel. » Et ils lui emportèrent. Quand le maître d'autel eut goûté l'eau qui avait été changée en vin, or il ne savait pas d'où cela venait, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau, le savaient bien, il s'adressa à l'époux, et lui dit, « Tout homme sert le bon vin le premier, et puis le moindre, après qu'on a bu plus largement, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Jésus fit ce premier miracle à Cana de Galilée, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela il descendit à Capernaüm avec sa mère, et ses frères, et ses disciples, mais ils y demeurèrent peu de jours. Car la Pâque des Juifs était proche, c'est pourquoi Jésus monta à Jérusalem. Et il trouva dans le temple des gens qui vendaient des bœufs, et des brebis, et des pigeons, et les changeurs qui y étaient assis. Et ayant fait un fouet avec de petites cordes, il les chassa tous du temple, avec les brebis et les bœufs, et il répandit la monnaie des changeurs, et renversait les tables. Et il dit à ceux qui vendaient des pigeons, « Ôtez ces choses d'ici, et ne faites pas de la maison de mon père un lieu de marché. » Alors ses disciples se souvinrent qu'il était écrit, « Le zèle de ta maison m'a rongé. » Mais les Juifs prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu, pour entreprendre de faire de telles choses ?» Jésus répondit, et leur dit, « Abattez ce temple, et en trois jours je le relèverai. » Et les Juifs dirent, « On a été 46 ans à bâtir ce temple, et tu le relèveras dans trois jours. » Mais il parlait du temple, de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il leur avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture, et à la parole que Jésus avait dite. Et comme il était à Jérusalem le jour de la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, contemplant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et qu'il n'avait pas besoin que personne lui rendît témoignage d'aucun homme, car lui-même savait ce qui était dans l'homme.